This is MXL. Disons que vous vous entraînez une heure par jour, 5 jours semaine. Le gym est sur votre lieu de travail et vous vous y rendez tous les matins, du lundi au vendredi. L'endroit où se trouve le gym et l'horaire vous conviennent. Maintenant, imaginons que vous changez d'emploi et qu'il n'y a pas de gym sur votre nouveau lieu de travail. Quelle est la chance pour que vous continuiez à vous entraîner tous les jours? Wendy Wood, une psychologue de l'université de Duke, s'est intéressé à la question en observant deux groupes d'étudiants. Le premier groupe est transféré dans un environnement comparable à l'environnement dans lequel il était jusqu'à présent, même distance du gym et mêmes horaires de classe, donc même plage horaire pour aller s'entraîner au gym. Wood note que les étudiants se tiennent à leur routine d'entraînement. La plupart des étudiants du deuxième groupe transférés dans un environnement différent, le gym est plus loin, les horaires des cours ont changé, abandonnent leur séance quotidienne d'entraînement. Ce qu'il faut retenir de l'expérience, c'est l'importance du moment et de l'environnement pour maintenir une habitude. Les étudiants qui ont été transférés dans un environnement similaire à leur environnement d'origine ont pu maintenir leur habitude d'aller s'entraîner tous les jours parce qu'ils n'ont pas eu besoin d'y penser. Les habitudes, c'est moins de stress et plus de résultats parce qu'on pense moins. On n'investit pas d'énergie mentale dans la poursuite d'un objectif, on fait les choses automatiquement. Maintenant, comment changer un objectif en habitude? En général, si vous vous fixez un objectif, vous allez commencer par adopter un nouveau comportement pour l'atteindre. Par exemple, si vous avez décidé d'être plus zen, vous devez élaborer un plan. Je vais méditer 15 minutes par jour, tous les jours. Là, on en est au stade de la réflexion consciente. Si vous vous organisez pour que ce comportement se produise au même moment et au même endroit, je vais méditer 15 minutes tous les jours, sur mon heure de lunch, dans mon bureau, alors vous créez les conditions pour que ça devienne une habitude. Voilà trois principes de la théorie objectif-habitude développée par Wendy Wood. Premièrement, les habitudes répondent à des signaux environnementaux, même endroit, même heure. Deuxièmement, les habitudes se créent quand vous adoptez un comportement particulier pour atteindre un objectif, et ces habitudes vont rester, même après que vous ayez atteint votre objectif. Par exemple, l'habitude de courir tous les matins peut être liée à votre objectif de perte du poids. Courir tous les matins peut rester une habitude, même lorsque vous avez atteint votre poids idéal. Et troisièmement, les habitudes restent liées à l'environnement dans lequel elles ont été créées. Courir dehors l'été n'est pas nécessairement transférable à courir à l'intérieur l'hiver. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer de voir comment vous pouvez appliquer ces principes pour atteindre certains de vos objectifs. Si vous en voulez plus, visitez mxl.ca. Pour d'autres trucs pratiques et pour donner votre point de vue et faire partager vos expériences, visitez leflow.ca. C'est leflow.ca. Phil.ca.